Chapitre 15e, les brigands. Armand se dirigeait vers ce côté des montagnes qui était un terrain appartenant sans conteste aux brigands. Il ne lui fut pas difficile de se renseigner sur la route à suivre. Tous les Italiens la connaissaient. Le jeune homme prit le chemin de fer tant que la voie ferrée le put mener. Il monta dans les diligences tant que les diligences purent le rapprocher de la montagne. Il loua des mulets tant qu'il trouva des gens qui consentaient à s'aventurer avec lui. Enfin, il s'arrêta dans une auberge de mauvaise mine, mal famée, qui était réputée comme marquant la frontière entre le royaume de Fulminante et celui de Victor Emmanuel. Là, il questionna l'hôte et les gens à mine patibulaire qu'il trouva chez lui. L'hôte le prit pour un espion. Les hommes de mauvaise figure voulurent le battre. Il les rehaussa d'importance. Mais cela ne lui donnait pas de renseignements. Alors il acheta des vivres, un bissac, et se mit en route au hasard. « Je me ferai toujours bien arrêter, » dit-il. Il le fut en effet, mais par les bersagliers qui menaçaient de le fusiller. Armand s'expliqua avec un sergent qui en référa à son capitaine, qui en référa au commandant, puis au colonel, puis au général, lequel envoya l'ordre de lui amener le prisonnier. Mais Armand, là d'attendre une décision, avait envoyé un poste tout entier au fond d'un ravin. Et il avait continué sa route tranquillement. À 1000 pas du poste, un jeune homme sortant d'une broussaille et vêtu en chef de brigand l'aborde avec un sourire aimable. « Barbacus, signor, dit le bandit, vous venez de vous débarrasser si galamment de cette escouade que je tiens à vous en faire mon compliment. »« Oh, dit Armand, c'est peu de chose pour moi qu'une poignée de soldats. Mais dites-moi, monsieur, pourriez-vous me conduire au Fulminante que je viens voir ?»« Certes, signor, je le ferai avec plaisir, mais des conditions que vous n'accepterez pas. Pourquoi donc ? Vous allez en juger. Mais auparavant, présentons-nous l'un à l'autre pour bien établir qui nous sommes. Je me nomme Galli pour vous servir, et je suis avocat tout en mal vivant. Ah, c'est vous dont mon oncle m'a raconté l'histoire, dit Armand en souriant. Il m'a écrit sur vous tout au long. Ne l'avez-vous pas arrêté? Pour obéir aux ordres du Fulminante, signor. Oh, je ne vous en veux pas. Vous avez fait votre métier. Je vous donne les remerciements. Vous avez été extrêmement courtois avec mon oncle. Je vous en suis reconnaissant. « Signor, dit Galli, la première éducation ne s'oublie jamais. Notre mère nous a bien élevés. » Armand répondit gravement. « Vous êtes bien heureux d'avoir eu une mère. Moi, je suis orphelin depuis aussi longtemps qu'il me souvienne. Mais dites-moi, monsieur, vous parlez de certaines conditions acceptées par moi. Pour voir le Fulminante, je suis ici dans ce but. Eh bien, signor, le chef connaît votre dessein et nous avons consigné de vous prévenir qu'il ne veut en aucune façon vous accorder un sauf-conduit. » Si vous persistez à passer, et si vous tenez absolument le voir, ce sera vos risques et périls. Son intention formelle est de vous faire prisonnier. Et si j'insiste, si je dis que je ne regarde pas le Fulminante comme engagé vis-à-vis de moi, si je risque la prison, enfin, me conduira-t-on à lui? Vous l'aurez voulu. Je le veux. Galli eut un mouvement de pitié. Prenez-y garde, ne peut-il s'empêcher de dire. Le chef est très déterminé à vous garder. C'est une impression personnelle que je vous donne là. Il est encore temps de vous retirer. Je reste, dit Armand. Galli admira cette énergie de volonté, calme, froide et simple dans ses expressions. Vraiment, dit-il, votre oncle n'a pas exagéré en nous vantant votre courage. Vous jouez votre tête avec beaucoup d'indifférence. Venez, signor. Et il siffla ses hommes. Un guide pour ce signor, dit-il. Puis saluant avec grâce. Je vous souhaite, monsieur, vous serrez la main quand vous redescendrez libre, si vous redescendez. « Je l'espère, » dit Armand. « Et moi j'en doute, hélas. » Armand salua à son tour et partit. « Pauvre garçon, » dit Galli. Armand, d'un pas délibéré, tâtonnait son guide et s'engageait dans un sentier qui devait le mener à la mort si Galli ne s'était pas trompé dans ses prévisions.